originalité. C'est fou, 89.1. Des sous de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est fou! Bonjour, bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, on est ensemble pour 3 heures de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On a top 20 francophones, un top 20 anglophones. Dans l'émission d'aujourd'hui, bien sûr, on va avoir les pièces qui nous ont quittés dans Palmer Rest in Peace, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique, des classiques du passé avec C'était fou et une petite visite, une excursion ailleurs dans les palmarès. On va savoir si la fin de l'émission d'aujourd'hui, si nos numéros sont toujours du côté francophone, Pat Brown et N'oublie pas la couleur, et en anglophone, Bell and Sebastian avec The Party Line. Ça, c'est dans moins de 3 heures. D'ici là, par contre, on va débuter avec nos nouvelles entrées. On en a 5. Plus tard, Salomé Leclerc, Milk and Bone, Modest Mouse, ainsi que Twin River. Mais on débute en 20e place francophone avec le 3e extrait de l'album Jusqu'au bout de Lubic. C'est Cowboy. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou. Bonne émission. Twin River et Band to Break sur l'album Should the Light Go Out qui est sorti le 17 février dernier. C'est leur premier album complet, Should the Light Go Out. Avant ça, il y avait eu un maxi qui était Rough Gold. C'est un groupe de Vancouver, de pop folk indie garage, disent-ils. Leur page Facebook, Twin River Van. Twin River Van, voilà. Avant ça, on a entendu Lubick, troisième extrait de l'album. Jusqu'au bout, c'était Cowboy. On se rappelle de Laisse-toi aller et de L'essence, jusqu'à maintenant, dans l'ordre dans les palmarès. Il nous reste encore trois nouvelles entrées. Plus tard, il y aura Milk and Bone et Modest Mouse. Mais avant ça, c'est Salomé Leclerc qui est de retour avec un autre extrait de l'album 27 fois l'aurore. Voici Vers le Sud. Ça commence très lentement et c'est dans les palmarès, c'est fou, sur le 89 FM. Très tranquille. Oh, entrée. Coconut Water par Milk and Bone, formé de Laurence Lafont-Bone et Camille Poliquin, toutes deux musiciennes de studio et tournées. Milk and Bone qui a lancé son premier album Little Morning le 17 mars dernier sur Bear Sound. Les deux musiciennes de studio et de tournées pour plusieurs projets, entre autres Alex Nevsky, Jason Bahada, Carrie Mollette, Les Sœurs Boulées, David Giguère et plusieurs autres. Ils ont décidé de composer leur propre chanson après avoir collaboré à une pièce de l'album Bellevue Avenue de Mister Valère. Avant ça, on a entendu Modest Mouse et Of Course We Know, premier extrait de l'album Strangers to Ourselves qu'on a découvert dans le Barfait. On n'a pas découvert Modest Mouse. On n'ira pas jusque-là, mais on a découvert l'album un peu ensemble au poste d'écoute avec Stéphanie Paradis jeudi dernier. Ça, c'était à 19e place anglophone. Au début du bloc, c'était Salomé Leclerc et Vers le Sud, un nouvel extrait de l'album 27 fois l'aurore. On adore toujours autant Salomé Leclerc. Étant donné qu'on a accueilli 5 nouvelles pièces, on doit le dire au revoir à 5 autres. Voici Palmer, Rest in Peace. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Elle

Dans la zone 89.1. 17. Yeah. bloc 3 quarts qui se termine avec la 16e position anglophone. C'était Viet Cong et Continental Shelf. Avançant en francophone, c'était... On n'a pas entendu le couleur avec Club Italien. Avant, 17e anglophone, White Horse et Downtown, qui est stable, 9e semaine de présence. Et on a débuté avec Pat Ground, qui est là depuis 8 semaines et qui était lancé numéro 1 la semaine passée. Ça a pris une méchante chute de 16 places. C'est dommage, on va le voir partir aussi rapidement qu'il est arrivé au sommet, ce Pat Ground. Et on fait un autre bloc 3 quarts, pourquoi pas, c'est le fun, sauter une pièce de fois de temps en temps. Donc on va sauter par-dessus Summerland et juste un peu trop. On va entendre The Moors ainsi que The Airborne Toxic Event tout à l'heure, mais débutons avec les Marinelli qui montent de la 19e place, c'était nouveau la semaine passée. On dit, et le nom de la pièce, puis on dit que ça commence pas mal là. On commence assez fou sur le 89 FM. 14. The Mars et Youth, position numéro 14, qui descend de 7 places. Et en francophone, on a entendu, toujours en position numéro 14, en fait, on l'a pas entendu. Qu'est-ce que je raconte? Summerland est juste un peu trop. Avant ça, en 15e anglophone, c'était The Airborne Toxic Event et Wrong. Et en francophone, c'était les Marinelli et Audi. On va faire un autre bloc 3 quarts parce que jusqu'à maintenant, ça fonctionne très, très bien. J'aime la formule, j'aime bien ça. On va sauter par-dessus la très, très longue pièce de Le Cri du Chat, malheureusement. C'est ça, on l'entend pas souvent, mais que voulez-vous, elle dure vraiment longtemps. Danse sauvage est en position numéro 12. On va entendre plus tard Autopilot ainsi que Joel Plaskett, mais on débute avec Trio. Sur leur album Né quelque part, voici l'extrait titre qui descend de 3 places. Trio, ça c'est fou. 14 fin. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. No rincón es mágico azar. No. Il y a des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils

10. Et Follow pour son numéro 6 qui monte de la 18e, nouvelle entrée de la semaine passée, et avant c'était Navarre et Trouvé Asile qui elle aussi était nouvelle la semaine passée mais qui monte de la 15e sur l'album Temps Bipolaire. C'est là-dessus que se termine la deuxième heure des Palmarès Assez Fou. Il nous en reste une troisième, une dernière avec le top 5. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 anglophone est toujours Belle and Sebastian avec The Party Line, alors qu'en francophone on sait déjà que ça a descendu en 17e, Pat Brown et N'oublie pas la couleur. Donc la réponse à cette question, qui est au sommet, au retour dans les Palmarès Assez Fou. folk. C'est fou. 89 ans. Bon, tour, c'est la troisième heure des palmarès fou pour la semaine du 6 avril 2015. En cinquième place anglophone, on retrouve Belle & Sebastian avec The Party Line qui descend de 4. Tout de suite, voici ponctuation et météo. Party life, say

Electrons et Animal I Love You. Position numéro 4, anglophone, ça monte de la 11e place, 6e semaine de présence. La bronze avançait avec Explose-moi qui monte de 2, c'est tellement génial. Avançait Bon Sebastian, parlant de génial, l'ancien numéro 1, maintenant 5e place anglophone de Party Line. On a débuté avec Ponctuation et Météo qui monte de 3 places. On est rendu au 3e place. Tantôt, on va voir la petite section ailleurs dans les palmarès. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur mon autre feuille brochée avec la première. Donc, ça s'en vient tout à l'heure. Mais avançons, 3e anglophone, Del Bell et In My Solitude monte de 7 places. Et en francophone, ça descend de 1. Voici Mastic et Nouveaux Empires. Au 89 FM, c'est les palmarès. C'est fou. Whiskey bottle shape shifts, it proud. once my eyes begin to weep, your voice is a faded tune, and the fire won't keep no heat. In My Solitude, position numéro 3, plus 7 de ce côté-là, et en francophone, moins 1 pour Mastic et Nouveaux Empires sur l'album de Sol et d'Éther. À tantôt, Les Incendiaires et Napalm Pam en deuxième place, mais avant ça, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Hein? Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Je me suis habitué à la chanter toute seule, mais c'est jamais bon. Donc, ailleurs dans les palmarès, c'est la section de l'émission où on fait un petit tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone, un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons avec le top 30 des albums qui contient une seule nouvelle entrée en 18e place. On retrouve Milk and Bone avec Little Morning qu'on a entendu en début d'émission. En troisième, ça monte de 7, Del Bell avec Del Bell. Et en deuxième, c'est Napalm Pam avec The Unconditional Love of Napalm Pam. Évidemment, on saute le numéro 1 parce qu'on révélerait le punch final. Même chose pour le top 3 des disques canadiens. Donc en troisième place, c'est Del Bell et en deuxième, Napalm Pam. Dans le top 10 loud, il n'y a pas de nouvelles entrées. Donc en troisième place, Royal Thunder qui monte de 1 avec l'album Crooked Doors. En deuxième, c'est stable Van Halen et Tokyo Dome in Concert. Et en première, c'est stable 4e semaine de présence pour Enslaved et l'album In Times. Dans le top 5 musique du monde, c'est des pièces. Il y a deux nouvelles entrées. C'est 5e et 4e, donc on va faire le top 5 au complet. En 5e, nouvelle entrée, une pièce de Carlou D avec Bégué Sarou. En 4e, c'est Calexico avec Come By Adelunde. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, Usurpation par Warsaw Afrobeat Orchestra. En 2e, c'est Bomba, Villy Remix featuring ZZ Ward par Angelique Kidjo. Et en première place, à monde 1, c'est Painting Silhouettes par Quantic sur l'album Painting Silhouettes. Voilà, ce single, c'est simple. Voilà pour tout ça, et j'ai choisi un extrait, comme on le fait toujours à la fin de cette chronique-là, et cette fois-ci, j'ai choisi une pièce du côté du top 5 musique du monde! Oui, on s'en va entendre la nouvelle entrée de Calexico. Voici Kumbaya de Dunde sur l'album Edge of the Sun, disponible à partir du 14 avril. Ailleurs dans les palmarès, c'est fou! I'm in the moment. C'était Kumbaya de Donde par Calexico. Ah oui, dans la section ailleurs, dans les palmarès. Je suis en train de voir si je suis capable de le traduire à l'espagnol. Est-ce que je l'ai? Non. Traduction en français, Kumbaya Donde. Ça ne veut absolument rien dire. Google Translate. Bravo, félicitations. Calexico est le nom du groupe et c'est en position numéro 4. Nouvelle entrée dans le top 5 musique du monde. C'était dans la section ailleurs, dans les palmarès. Maintenant, on passe aux deuxième place de nos palmarès en anglophone, Nippon Pom avec Seamstress. Mais avant ça, Les Incendiaires et Pink Venus sur C'est Fou dans vos oreilles. Dans la zone 89.1. 2. Pom Pom et Seamstress. Position numéro 2 anglophone, ça monte de 2 places. C'est les Incendiaires avec Pink Venus qui monte de 9 places en francophone sur la maxi à Pink Venus. Alors, on est déjà en tour numéro 1 à 25 minutes de la fin de l'émission, donc on va avoir du temps pour retourner en arrière un petit peu tantôt. Ça, c'est la bonne nouvelle du moment. Une autre bonne nouvelle, c'est l'extrême bon qu'a fait notre position numéro 1. Un vrai Game of Thrones ou truc, elle envoie ses dragons voler. Là, tu sais, chose. Bref, comme un dragon qui aurait pris son envol vers le sommet du palmarès, c'est presque ce que je voulais dire. Ou encore une nouvelle planète qui aurait été découverte. Quelque chose, c'est monumental comme bon. C'est Galaxy avec Dragon sur l'album Zulu. Alors, comme anglophone, mais apparemment que la réponse à la question est oui. La question étant voulez-vous rocker? Do You Wanna Rock de Danko Jones sur l'album Fire Music. Cette pièce-là a pris fait étincelle et ça a créé une flamme qui l'a amené jusqu'en haut en seulement 4 semaines. C'était le numéro 2 la semaine passée et déjà c'est le numéro 1. Donc Danko Jones et Do You Wanna Rock, mais avant ça, voici Galaxy et Dragon. C'est vous! Ouais, c'est bon! Position. watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The beat is calling us, I never wanna get enough. Everybody's watching us, and you're the only one I trust. I never wanna leave you, I always wanna see you. The music's gonna stop, so do you wanna rock? Position numéro 1 pour la semaine du 6 au 12 avril 2015 dans les palmarès. C'est fou, on vient d'entendre Danko Jones et Do You Wanna Rock sur l'album Fire Music qui monte d'une place. Et avant ça, Galaxy avec Dragon qui monte de 16 et qui était une nouvelle entrée, oui, la semaine passée dans l'album Zulu. Il nous reste une quinzaine de minutes environ, donc on a le temps de retourner un petit peu en arrière à des trucs qu'on avait sautés. Et j'avais dit que la priorité irait à la seule pièce qu'on a sautée en anglophone parce qu'elle était nouvelle ou presque. C'est sa troisième semaine de présence. C'est Held You Up par No Island. Donc on entend ça tout de suite dans les palmarès. Trying to hide behind, closing in, and I still wonder why. C'était le cri du chat et Danse sauvage qui descend de 8 places en 12e position. Anglophone avant ça, c'était No Island et Held You Up qui monte de 2 places. 11e anglophone, des pièces qu'on avait sautées précédemment dans l'émission. Justement, parlant de l'émission, les panneurs assez fous, ben elle est terminée, entre guillemets. Jusqu'à la semaine prochaine, bien sûr, mercredi entre 15h et 18h, après nous, c'est Audiomatique, l'émission de musique électronique, et puis à 19h, c'est les autres nations. On passe les vendredis à 17h, après nous, les bolets rouges, les scoïs polka, et dimanche, entre midi et 14h, et midi et 15h. Ah, je me suis trompé, j'ai passé proche de l'avant. Après nous, c'est absolument rien. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et balado diffusion. À la semaine prochaine, de la part de tout le monde qui participe à l'émission, c'est-à-dire moi-même, Mathieu Plante. Passez une belle semaine. Puis on dit au revoir à Jean-Philippe. T'sais, je sais que j'ai pas dit au revoir officiellement. Ça fait un mois et demi qu'il est pas là. Fait qu'à un moment donné, ça fait bizarre de le dire. Mais merci d'avoir animé avec moi pendant le temps que tu as animé avec moi. OK? À la semaine prochaine. On se quitte avec une autre pièce qu'on avait sautée tout à l'heure. C'est Amor Blitz et Kilimanjaro en 18e place francophone. Puis là, c'est vrai, ça va faire comme 6 fois je dis bye. Fait que bye. Charme, apporte-moi ta langue.